Chapitre 20e, la natte dorée. Les auditeurs éprouvaient une si forte impression de terreur qu'ils ne pouvaient parler. Paulin Broquet reprit la parole au bout d'un court moment. Il dit à Gabriel « Donne-moi un nouveau cigare, celui que j'ai très dur à tirer. Ce n'est déjà pas si commode de parler en fumant, et pour peu que le cigare ne s'y prête pas. » Gabriel lui enleva donc le cigare des lèvres. Il en choisit un avec soin dans la boîte. Il en coupa le bout et le glissa dans les dents de Paulin Broquet en lui présentant une allumette d'en bois. Car jamais, on le sait, le détective ne consentait à allumer ce qu'il fumait avec des allumettes en bougie. Paulin Broquet tira quelques bouffées de son nouveau cigare. « Celui-là va, » fit-il. Alors Gabriel, en hésitant un peu, lui dit « Pardon, chef, nous ne voulons pas, parce que cela vous ennuie, qu'on fasse votre éloge. Vous dire encore combien nous, vos lieutenants et tous vos hommes, nous admirons votre courage et votre ingéniosité. Cependant, je voudrais vous parler encore un peu de cette affaire. » « Bien, mon ami, j'écoute. Il y a dans tout cela un point qui, pour nous, demeure étrangement obscur, lequel. Vous étiez, chef, lié à un banc. On vous avait laissé par raffinement de cruauté, pensant que vous vous pendriez vous-même, les pieds libres. Oui, eh bien, vous avez pu aller jusqu'à la croisée, mais en gardant encore la corde au cou. » Paulin Broquet tourna la tête vers son lieutenant. « Et tu veux savoir comment j'ai pu me tirer d'une coulant ?» Me détacher du banc et vous rejoindre dans l'escalier. Si cela ne vous contrarie pas de nous le dire, car vous ne nous parlez pas de ce moment-là, qui a dû être pour vous certainement le plus dramatique. » Paulin Broquet murmura avec une intonation singulière, lentement, très étrange, en effet. Il garda encore le silence quelques secondes, puis il se décida à parler. « Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Et cela, mes chers amis, n'est pas pour m'intriguer moins que vous. Je cherche depuis lors, j'analyse cet incident, je voudrais comprendre, mais je ne devine pas. » Paulin Broquet tira quelques bouffées brèves et pressées de son cigare et reprit. « Je me trouvais donc devant cette fenêtre que je ne pouvais atteindre, voyant tous mes efforts sans résultat puisqu'il me manquait quelques centimètres de corde, quand tout à coup deux mains se posèrent sur moi. Une voix grave et douce cependant, mais qu'on cherchait visiblement à déguiser, me dit tout bas. « Paulin Broquet, n'ayez pas peur. Celui qui est près de vous, vous ne le connaissez pas, vous ne devez pas le connaître, mais il a assisté à toute la scène qui vient de se dérouler ici, il a compris votre héroïque mensonge, il vous admire profondément. Il vient vous aider à conquérir cette liberté que vous avez si vaillamment méritée, et il tient à vous remettre à vos amis. Il ne veut pas que puisse se commettre un crime odieux dont vous seriez la victime. Venez sans crainte. « Obéissez-moi sans hésitation, et laissez-moi vous conduire sans redouter un nouveau piège. »« Avez-vous confiance en moi ?»« J'ai confiance, » répondis-je. « Merci. » »« Je n'ai pu venir plus tôt vous délivrer parce que les Igomars étaient encore dans la maison, qu'ils pouvaient accourir. Maintenant, ils sont partis. Igomar lui-même, le dernier, est descendu. C'est lui qui vient de siffler le signal que vous lui aviez livré. » Il attend sur l'avenue de Suffren l'explosion qui doit lui annoncer son nouveau triomphe. Tout en parlant, cet inconnu avait enlevé le nœud coulant de mon cou, et avec un couteau, il coupait les cordes qui liaient mes bras. Il détachait ensuite la cartouche de dynamite et la posait sur le rebord de la fenêtre. Puis, me tendant le couteau, il me dit « Prenez cette arme, si vous doutez de moi, et à la première alerte, si vous vous croyez trahi, vous me la plongerez dans la poitrine. » Il me mit de force le couteau dans la main. Mais je le rejetais, inutile puisque j'ai confiance en vous. À la lueur de la croisée, je vis un jeune homme vêtu d'un ample costume gris, coiffé d'une forte casquette de drap. Il était masqué. Pendant qu'il me parlait à l'oreille, je sentais son haleine. Je pus voir, sous le masque cachant seulement le haut du visage, la bouche, jolie, bien dessinée, meublée de dents qui brillaient comme des perles à la faible clarté du dehors. Je vis le menton ferme, un peu fort, bien dessiné, avec un dessous de menton rond et bien formé, que le col serré du veston faisait un peu remonter. Ce menton, ses lèvres, ses joues, ne portaient pas le moindre duvet, pas la plus petite moustache, la plus faible trace de barbe, mais je ne pus voir si le rasoir y était pour quelque chose. Ce jeune homme, en tout cas, devait être extrêmement joli de figure, et à travers le masque, ses yeux avaient un éclat merveilleux. Quand il me parlait, son haleine fraîche avait la senteur des tabacs d'Orient. Quand il se baissa pour couper mes liens, le mouvement de son corps dégagea un nouveau parfum exquis, de ces parfums violents et doux, d'un velouté acidulé et tenace dont les parfumeurs anglais ont la spécialité. Il me détacha donc, arracha les cordes de mes bras, les jeta à terre, puis il se baissa encore, s'empara du couteau de mine qui attenait à la cartouche et en chercha le bout. Il fouilla dans la poche de son veston, prit quelque chose qu'il appliqua au bout du cordeau. Ensuite, il cracha sur ce qu'il venait de poser, et je revis dans l'ombre luire à nouveau le point de feu qui reprit sa marche lente et implacable. Zygomar sera content, il va voir son explosion. Mais la dynamite qui explose en montant va faire plus de bruit dehors que de mal à la maison de Zulma. Il me prit alors la main. « Venez, nous n'avons que 2 minutes pour gagner l'escalier. » Mais les cordes avaient tellement serré mes membres que je ne pus marcher. Au premier pas, je suis tombé. Le jeune homme me ramassa promptement, me prit à terre et m'emporta dans ses bras. Il est doué d'une force merveilleuse, car je suis d'un bon poids, et il peut me porter ainsi, me descendre et me déposer devant vous sur le palier du 2e étage. Vous savez le reste. » Gabriel demanda encore à son chef, « Mais vous, chef, savez-vous bien le reste? Que veux-tu dire? Savez-vous ce qu'il advint de ce jeune homme aux beaux yeux, au menton rond et grassouillet, à la bouche garnie de perles qui sentait le tabac d'Orient et embaumait le parfum anglais? » Paulin Broquet eut un long sourire, mais ne répondit pas. « Eh bien, chef, après vous avoir déposé à terre, quand ce singulier jeune garçon s'est sauvé, en fuyant, il a laissé tomber sa casquette. Hein? Cette casquette, je l'ai ramassée. La voici, tout imprégnée de ce singulier parfum. » « C'est un souvenir, » fit en riant le détective. Gabriel acheva, et la casquette, en tombant, laissa couler sur les épaules de votre libérateur une cascade de cheveux de cuivre doré. C'était une femme. Paulin Broquet dit alors, « Ah, vous avez vu une femme ?»« Oui, chef. »« Eh bien, mes amis, oui, c'était une femme. » »« Et voilà ce que je ne comprends pas. Qui est cette femme? Comment se trouve-t-elle chez les Zygomar? Et pourquoi vient-elle défaire leur sinistre ouvrage? Pourquoi a-t-elle sauvé Paulin Broquet? Une femme, une femme! » Mais le détective, sans doute pour changer les idées de ceux qui écoutaient ces révélations étranges, pour faire dévier l'attention sur un nouveau sujet, se tourna vers Simon. « Et toi, Simon, as-tu bien rempli ta mission de surveillance ce soir-là? » « Oui, chef. Comme toujours, j'ai suivi le comte de la Guérinière, au Cercle, au Lutetia, chez Lucette Minois et chez lui. Bon, eh bien... Pendant que tu ne le perdais pas de vue, ton comte de la Guérinière, hier, comme le soir du cambriolage chez Maître Béjanet, comme le soir du vol chez M. Billemont à Itonville, ton comte de la Guérinière présidait l'assemblée des Zygomar. J'ai reconnu sa voix, et il dirigeait mon supplice.